J'ai pas trouvé de compromis. J'ai pas trouvé comment t'aimer. J'ai pas trouvé seul cette nuit le moyen de tout changer. J'ai pas trouvé, c'est pas possible. Mon cœur s'emballe de plus en plus. Déjà qu'il était bien fragile, je crois que maintenant il ne bat plus. Mais je t'aime encore, toujours de plus en plus fort. Mais je t'aime mon amour, je t'aimerai pour toujours. On pourra me dire c'est pourtant simple, fallait pas casser le bonheur. Seulement moi tu vois à cette heure, le bonheur pour moi est si loin. C'est pour ça que je t'aime encore, pour ça que de plus en plus fort, je m'accroche à toi mon amour, pour que le bonheur vienne un jour. Sera